Alors moi cette semaine j'ai vu Adopte un veuf. Donc oui, hein, je suis un peu à la bourre, je sais, c'est sorti la semaine dernière, mais j'étais trop occupée à dégommer les Avengers. Donc, j'ai adopté un André Dussolier au top de son humour de pince sans rire. Il n'est plus tout jeune, mais il a toujours sa fougue et son phrasé si personnel, si posé et si cinglant. Alors le pitch, Hubert est triste, seul et terriblement sombre depuis le décès de sa femme, mais l'arrivée de Manuela, campée par la pétillante Bérangère Krief, vient bouleverser son quotidien morne en lui imposant une colocation. Colocation qui vire vite à l'auberge espagnole avec l'arrivée de nouveaux personnages, dont la charmante Julia Piaton, ce qui donne naissance à des situations à la fois ordinaires et rigolotes. Quelques quiproquos pas mauvais et une histoire qui est entièrement prétexte à des échanges humoristiques d'un très bon niveau. Sans jamais éclater de rire, on garde le sourire du début à la fin, mais pas que. Ses destins sont touchants. On s'attache aux personnages très rapidement, même ceux qui n'ont que deux scènes. On passe par des thèmes très durs, traités en profondeur, mais jamais lourdement. Des thèmes comme le deuil, qui est très présent, mais aussi le divorce, la confiance et bien sûr l'amour. Mais c'est avant tout un film sur l'ouverture aux autres, le non-repli sur soi et surtout sur le partage. Le rythme est impeccable, c'est bourré de gags et d'émotions. On nous fait passer du rire aux larmes avec une fluidité déconcertante. Le quatuor principal est excellent et fonctionne à merveille. On sent à la fois une alchimie entre les comédiens mais aussi une distance entre les personnages. À noter deux pépites dans les seconds rôles, Nicolas Marié en bobo un peu beauf et surtout Rose Gardin, la boulangère que je découvre dans ce film. À la fois drôle et chou, c'est une vraie gentille, un personnage discret mais mémorable à qui l'on doit l'installation de la jeune fille chez ce veuf à la suite d'un quiproquo. Acte manqué ou véritable ange gardien, je ne saurais pas définir ce personnage et c'est parfait comme ça. Malheureusement, si le casting et l'écriture méritent 5 étoiles, je ne peux pas en dire autant de la mise en scène et de l'image. La photographie n'est pas très belle, parfois même déroutante, avec des mélanges de couleurs chaudes et de couleurs froides improbables dans des scènes d'intérieur. Les cadres ne sont pas très intéressants et il y a pas mal de mouvements de caméra flous, surtout dans le premier quart d'heure. On repassera donc pour le côté cinématographique de l'œuvre, mais la seule prestation de Dussolier nous fait oublier l'image pauvre et fade. Autre petit point négatif, rien, mais alors absolument rien, ne donne envie de voir ce film. Entre une affiche plate et convenue, une bande-annonce découpée à la machette, qui mettait en avant des blagues douteuses et archi-misogynes hors contexte, et surtout un titre affreux. Sans déconner, on n'en peut plus de cette titraille qui commence par « Adopte ». Cette espèce de mode était déjà has-been avant même que le premier crétin ait eu l'idée. Faut arrêter les gars, hein, sans déconner. Mais pour finir, à la fois tendre et drôle, ce petit film transgénérationnel apparaît comme la bonne idée sortie du week-end pour se détendre, mais aussi pour prendre conscience que nul homme n'est une île. Ouais. Ouais. Ah bah ça donne envie. Alors, ils ont prévu le 2 et le 3, je sais pas si vous êtes au courant. Alors, le 2 va s'appeler adopteunemeuf.com et le 3, c'est une version animalière, c'est adopteunbeuf.com. Ah, voilà. Arrêtez avec le titre, par pitié.